ça c'est du PAPS. Sur un track organisé, nisé au bout du chrome pour une mission visée. Ça va se faire à l'ancienne, sur la énième, pour ceux qui savent les frères et les soeurs qui aiment. Sur un track organisé, au bout du mic pour une mission visée. Ça va se faire à l'ancienne, sur la énième, pour ceux qui aiment et même c'est dans Kranzera à Paris, qu'à la carabine, sur canapé. La proie Africa, faut qu'on mitraille. Des clams pour la viga, faut pas jouer, j'suis pas là en tant que messager. J'suis majeur, mais un jeune, quand tant que des promesses hachées. Ça s'agite, ils ont ragé. Parce que on bat le style, même le plus nasty. Papy, que se passe-t-il? J'm'installe en freestyle, j'suis pas suivi. Pas chantera, j'y pense en tera. Intéressé, on passe en dura. J'm'accomme avec ce moment à la Malcolm X. J'joue pas le Magouma devant le Macomi. C'est sur moi qu'on mise, et Mahomi. J'suis dégueulasse, les filles, j'les aime. C'est chien. J'ai le son qui fait chez Kral sans pisse, les aime. Patience, mais va pas croire qu'on est des braves gens. Si t'aimes pas le genre, pas de chance, moi j'ai pété le point de chance. Du PAMS, sur un track organisé, nisé au bout du chrome pour une mission visée. Ça va le faire à l'ancienne, sur la énième, pour ceux qui savent les frères et les sœurs qui aiment. Nisé, sur un track organisé, PAMS, au bout du mic pour une OP visée. Ça va le faire à l'ancienne, sur la énième, pour tous ceux qui aiment et même PAMS. J'dis quoi dans ce bordel, foi dans mes causes, collé à elle. Tu me connais femelle solo, si t'y étais pas, c'est de là-bas, c'était le départ. Sur mon album aujourd'hui, on redonne ça et c'est petit pas. J'suis toujours là pour la phase, ouais, quand ouais. J'arrive, obligé que j'te sors du gaz. Comme Diggy Didaz, Sean Vassy et Jazz. Et tous les nazes, m'attelle partout qui manque une case. Ouf, si tu répètes, j'te coupe ta touffe. T'insistes, t'as gagné, j'balaye ta pouffe. Va te consoler, faire un tour, allume ton zouf. Et sur le retour, pas chez ED, ramène la pouffe. NY S-A-Y, jeune casse comme ça est vrai. J'en place une pour les jeunes casse-cou. Et pour cette société casse-cou. J'pond un album, 15-16 titres, j'sais plus. Assez pour dire que malgré les splits, j'ai pu. Détentionnaire d'un compromis, face lyrics. Même si j'me vaux trop chromis et que j'm'y risque. J'garde foi en mon phrase et qui fixe. Poser des phases sur des mots du dictionnaire. Fait de bams, la femme Mac, futur actionnaire. Nisé sur le track organisé, bam, du mic pour une OP visée. Ça va le faire à l'ancienne, sur la énième pour tous ceux qui aiment et même cas. Je rêve du chant ça, et moi les rêves du sang ça. Où est la puissance, t'es ready pour les résistants ça. J'entends pas mon texte en thème, c'est même si qu'un ennui des chrysanthèmes. D'été comme ça, j'en ai des cent haine, j'entraîne. Si à zéro change, je blesse. Nos anges de l'Est, façon je kill si le sang je laisse. Bam, son marche pour elle, et c'est vice versa. Faut le dire, c'est vrai ça. Je raconte qu'une fille, c'est vers ça. On fait nos fers ça. Dans le but de PC, tu peux plus poser. Je dois supposer. Tu sais que je lutte pour voir les plus dosés. Dédicace au city, le truc est positif. Mes potes mangent possible. Donc si j'explose, faut que le positif. Revendu ou donné de ça. Quand j'ai trop bu, mes connais ça. Mais les gros le savent, je suis rien. Sans mes gommes, ils s'appellent les scrolls, ça. Mat le pouce, t'as la page. J'ai de bouger à la fin. Même pas besoin de pousser à la fin. Ouais, bam, sur un track organisé. Nisé au bout du chrome pour une mission visée. Ça va le faire à l'ancienne, sur la énième pour ceux qui savent les frères et les sœurs qui aiment. Sur un track organisé, bam, au bout du mic pour une OP visée. Ça va le faire à l'ancienne, sur la énième pour tous ceux qui aiment et même moi-même. Sur un track organisé, nisé au bout du chrome pour une mission visée. Ça va le faire à l'ancienne, sur la énième pour ceux qui savent les frères et les sœurs qui aiment. Sur un track organisé, au bout du mic pour une OP visée. Ça va le faire à l'ancienne, sur la énième pour